Comment dites-vous « il le prépare » ? Prépare. Il le prépare. Lo prepara. D'accord. Lo prepara. Et si vous voulez parler de ce qu'il prépare en ce moment même, comment direz-vous « il est en train de le préparer » ? Pour dire « il est en train de préparer », en espagnol, on dira littéralement « il est préparant ». Donc, « il est en train de le préparer », ça sera Esta. Esta veut dire cette, comme dans esta noche, hein, ce soir, cette nuit. Esta. D'accord. Preparando lo. Vous y êtes presque. Esta preparándolo. Oui. Alors, répétez-le encore une fois. Está. Está preparándolo. D'accord. Está preparándolo. Littéralement, il est préparant le. Ando est la terminaison qui correspond au en, de préparant, pour les verbes en ar. Et yendo, celle des verbes en er ou ir. Vous pouvez aussi placer le lo en début de phrase. Ce qui donne, au lieu de « está preparándolo » Lo está preparando. Tout à fait. Lo está preparando. Lo está preparando ahora. Il est en train de le préparer maintenant. Et comment direz-vous « pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ?» Vous posez la question à usted. Por qué no lo hace? Hace. H-A-C-E. Avec le C qui, devant E ou I, se prononce F. Donc, hace. Ça, c'est la prononciation standard. Mais, effectivement, on peut aussi prononcer hace, hein, avec le son d'un S, comme c'est le cas de certaines régions d'Espagne et dans toute l'Amérique latine. Donc, ¿por qué no lo hace? Ou hace. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? ¿Por qué no lo haces? D'accord. ¿Por qué no lo haces? Et pourquoi ne le faites-vous pas? Cette fois, vous posez la question à ustedes. ¿Por qué no lo hacen? Bien. ¿Por qué no lo hacen? Mais il est en train de le faire maintenant, se dit. Está haciéndolo. Oui, très bien. Ahora. Está haciéndolo ahora. Ou lo está haciendo ahora. Lo está haciendo ahora.